C'est un colosse au pied d'argile. Dans cet Orient compliqué, comme l'écrivait le général de Gaulle, c'est sans doute le pays, en dehors de l'Irak, dont le destin semble le plus hasardeux, l'Arabie saoudite. Allié traditionnel des États-Unis, riche des plus importantes réserves de pétrole du monde, dirigé par une monarchie absolutiste adossée à l'islam le plus rigoriste, l'Arabie saoudite est pourtant menacée à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. À l'intérieur, à cause de la violence terroriste, mais aussi parce que les Saoudiens sont toujours plus nombreux à exiger des réformes et à désirer bousculer un système moyenâgeux qui accroît les inégalités sociales. À l'extérieur, parce que depuis les attentats du 11 septembre, l'Arabie saoudite est accusée par ses meilleurs amis, les Américains, de financer le terrorisme islamiste. Des Américains qui considèrent qu'ils ont des intérêts majeurs dans la région et qu'ils doivent être prêts à les défendre, quitte à en découdre avec un régime despotique dont les excès même alimentent le terrorisme. Enfin, il y a les problèmes de succession au sein de la famille royale. Le roi Fahd est empêché de gouverner depuis son attaque cérébrale de 1995. C'est son demi-frère Abdallah qui tient les rênes du pouvoir, mais lui-même est un vieil homme et de nombreux princes peuvent prétendre à la succession. Bref, plus que jamais, l'Arabie saoudite traverse une redoutable zone de tempête. Son avenir, quel qu'il soit, ne manquera pas d'avoir des effets non seulement dans la région, mais dans le monde tout entier. Dans un instant, M. X tente d'y voir plus clair et de démêler les fils secrets de cette affaire. L'Arabie saoudite, c'est un creuset où semblent concentrer quelques-unes des plus grandes questions du monde actuel. L'avenir énergétique du monde, les relations entre l'Occident et le monde islamique et, bien sûr, le terrorisme international. Un terrorisme islamiste, encouragé par les Saoudiens, hein. C'est certain, mais enfin, n'allons pas trop vite. En fait, pour bien comprendre, il faut remonter assez loin, car a priori, rien ne prédestinait l'Arabie saoudite à tenir la place qu'elle occupe aujourd'hui. Ouais, c'est quand même le pays qui a vu naître Mahomet, hein. Ouais, où se trouve le lieu le plus sacré de l'islam, la Mecque, c'est vrai. Ouais. Enfin, pour le reste, c'est une terre quasi désertique, quatre fois grande comme la France, et où ne vivaient autrefois que quelques tribus de bédouins. Alors, des chameaux, du sable et des pierres, quoi. À peu près, oui. Ouais. C'est au milieu du XVIIIe siècle que se produit un événement notable qui va décider de l'histoire de la contrée. Un chef de tribu, Mohamed Ibn Saoud, conclut un accord avec un imam, Mohamed Ibn Abel Bouhara. Ce dernier prêche un islam rigoriste qui préconise le retour à une interprétation littérale du Coran et à une observation stricte de la tradition musulmane, la sunna. Oui, c'est ce qui va donner ce qu'on appelle aujourd'hui le wahhabisme. Oui, qui a fait florès depuis, comme vous le savez. Les deux hommes, le guerrier et le religieux, s'entendent donc. Le pouvoir temporel revient au Saoud, le pouvoir spirituel étant exercé sans partage par Wahhab et ses descendants. C'est très important parce que ça signifie que la monarchie saoudienne est dès lors d'essence religieuse. Ouais, et c'est toujours le cas. Bien entendu. Mmh. Les Saouds règnent alors sur le Nedj, le plateau qui est au centre de l'Arabie saoudite actuelle. Ils voudraient agrandir leur royaume aux dépens des tribus voisines, mais cette ambition est contrecarrée par le sultan ottoman qui impose sa loi sur une grande partie du monde arabe. Et à la fin du XIXe siècle, les Saouds sont contraints à s'exiler au Koweït. Mmh. Un exil temporaire quand même. Oui, l'héritier du trône, Abdelaziz Ben Saoud, qu'on appellera bientôt Ibn Saoud le Grand, est bien décidé à récupérer sa terre. Ce géant est un guerrier né. C'est un vrai géant, enfin. C'est très grand. Oui. Oui, et avec peu de moyens, mais enfin avec le soutien quand même discret de la reine Victoria, il reconquiert son royaume et entreprend d'unifier l'Arabie. Et puis ensuite, il y aura Laurence d'Arabie. Oui, qui va pousser les Arabes à se révolter contre les Turcs à l'époque de la Première Guerre mondiale. Oui, parce que les Turcs étaient alors alliés aux Allemands. En fait, ce que veut la Grande-Bretagne, c'est contrôler la région à la fois pour s'assurer de la sécurité des routes maritimes et terrestres qui mènent vers l'Inde, mais aussi mettre la main sur les champs pétrolifères de l'Irak actuel. Rien de chance, finalement. Enfin, curieusement, pour accomplir ce dessein, les Britanniques misent sur la dynastie hachémite. Mmh. Et pas sur les Saouds, donc. Oui, alors, Ibn Saoud est l'adversaire de Hussein, le shérif de la Mecque. Mmh. Et donc, le shérif de la Mecque est chef des hachémites, descendant direct du prophète. C'est exact. Ouais. Ouais. Le résultat, c'est que, profitant de la désagrégation de l'Empire turc, le souverain saoudien va s'emparer de la majeure partie de la péninsule arabique et même chasser Hussein de la Mecque. Alors, contre la volonté britannique. Oui, et avec l'aide d'un personnage sulfureux, Saint John Filby. Oui, c'est le père du célèbre espion. Ah, lui-même, oui. Saint John, ancien fonctionnaire anglais, qui va le premier trahir son pays en se mettant au service d'Ibn Saoud. Il est le premier de la famille. C'est ça. Dont il deviendra, l'autre, on en a parlé déjà longuement, vous vous souvenez. Il va devenir à ce moment-là un des conseillers les plus influents. C'est lui en particulier qui va introduire les pétroliers états-uniens en Arabie Saoudite. Alors toujours au détriment des Britanniques. Ah oui. Mais il faut dire que ces derniers, pourtant attributaires d'une concession, n'y avaient pas cru et ont laissé passer leur chance. Et grâce à Philby, ce sont les Américains qui vont rafler la mise et conclure un contrat avec le roi d'un pays qui s'appelle maintenant l'Arabie Saoudite, enfin depuis le début des années 30. Ah oui, parce que Ibn Saoud a donné son nom à son pays. Et je crois que c'est unique. Enfin, pensons. Le royaume est alors un pays très pauvre, très peu développé, et qui choisit sciemment de refuser la modernité. Mais vous dites pauvre, mais il y a quand même le pétrole. Les redevances vont directement dans les caisses du souverain et de celles de sa nombreuse famille. Ibn Saoud engendrera au moins une quarantaine de fils avec une vingtaine d'épouses différentes. Mais ni le peuple, ni le pays ne bénéficieront de cette manne. En fait, jusqu'à la fin des années 50, l'Arabie Saoudite reste un pays fermé, où le roi règne en maître absolu et où les dignités religieuses imposent la pratique d'un islam des plus rigoureux. Oui, c'est toujours le cas, et en particulier grâce à la police religieuse. Oui, le comité pour la prévention du vice et la propagation de la vertu. Quel nom, hein. Ouais, qui n'hésite pas à user de la force pour obliger les Saoudiens à une stricte observance de la religion. Toutefois, ça va peu à peu commencer à changer. Pourquoi, alors? Le pétrole, monsieur Pénaud, forcément. Pour extraire l'or noir, pour le transporter, il faut des routes, des ports, des hôtels pour les techniciens occidentaux et toutes les infrastructures qui vont avec. D'autant que l'exploitation va aller en augmentant dans des proportions considérables. En réalité, le véritable tournant, c'est en 1945. Alors, que se passe-t-il à cette date-là? La guerre n'est pas encore terminée lorsque Ibn Saoud rencontre le président Roosevelt sur un porte-avions qui mouille dans la mer Rouge au large de l'Arabie. Une rencontre alors entre un chef de tribu qui n'a encore jamais quitté son pays et l'un des dirigeants les plus puissants du monde. Mais Ibn Saoud, qui avait une très haute idée de sa propre grandeur, n'a certainement pas été très impressionné. Et d'après ce que l'on sait, il a mené ses discussions bilatérales avec beaucoup d'opiniâtreté. Et pourtant, on y trouve déjà toute l'ambiguïté des rapports qui régissent aujourd'hui les rapports entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Ah, ça, c'est intéressant de raconter là. Les Américains ont compris que dans le contexte de l'après-guerre... La guerre froide, oui. Naturellement, oui. Puis il y a eu aussi la demande croissante du pétrole. Donc, ils en ont compris que l'Arabie Saoudite, dont les réserves énergétiques semblaient inépuisables, jouerait un rôle essentiel dans la compétition entre l'Est et l'Ouest. Et le président Roosevelt a obtenu de son interlocuteur un monopole d'exploitation pour les compagnies américaines à un prix très concurrentiel. Mieux, Ibn Saoud a consenti l'installation d'une base militaire US à Dharan, tout près des Émirats du Golfe Persique. Un succès, en tout cas, un succès diplomatique, en tout cas incontestable pour Roosevelt. Certainement, Mais il y a forcément une contrepartie. Et le souverain saoudien était ainsi assuré de devenir rapidement l'un des hommes les plus riches de la planète. En même temps, il avait exigé que les contacts entre les Américains et les Saoudiens soient réduits au minimum. Tout accès aux lieux saints était, par exemple, interdit aux GIs. La peur de la contamination. Évidemment. Enfin, là n'était pas le point essentiel. Au cours de cette entrevue, Ibn Saoud a obtenu de Roosevelt que les États-Unis s'engagent à ne rien faire pour faciliter la colonisation juive en Palestine. Et plus tard, la création d'un État israélien. Bien sûr. C'était primordial pour un souverain qui était le gardien de la Mecque. Or, le successeur de Roosevelt, Truman, n'aura rien de plus pressé que de rompre cette promesse. Alors d'où l'ambiguïté là dont vous parliez, c'est ça? Car l'Arabie Saoudite, le plus sûr allié arabe des États-Unis dans la région, aura toujours l'impression d'avoir été trahi. Et les conséquences sont encore visibles aujourd'hui. Nous en reparlerons, car la question palestinienne sera toujours un point d'achoppement dans les relations entre les deux pays. En tout cas, ça n'empêche pas l'Arabie Saoudite de se développer et de devenir, grâce aux revenus du pétrole, un véritable État. C'est plus dirigé par un chef de tribu, quoi, c'est ce que vous voulez dire. Mais, en tout cas, un État toujours aussi hostile, néanmoins, à l'influence occidentale. Ah oui, c'est exact. En réalité, cette pétromonarchie, comme on l'a appelée, est un État étrange, et même schizophrène. D'un côté, sur la côte Est, il y a des gisements pétroliers, toutes ces installations modernes et les confortables ghettos où sont confinés les Occidentaux. Et de l'autre côté, à l'Ouest, se trouvent les symboles de l'islam, le port de Jeddah, où arrivent traditionnellement les pèlerins, et bien sûr les deux villes où vécu Mahomet, Médine et la Mecque. Deux mondes qui s'ignorent. Mais qui sont bien obligés de coexister, un peu à l'image des rapports entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Alors même que les Saoudiens rêvent d'Amérique, la politique de Washington, surtout le soutien presque inconditionnel accordé à Israël, suscite une véritable aversion. Et Ben Laden, c'est certain, dispose là d'un terreau naturel pour recruter des apprentis terroristes. Un mot, avant de poursuivre, sur la prolifique famille des Saouds. Voici ce que je lis dans un petit ouvrage très précis paru aux éditions complexes Géopolitique de l'Arabie Saoudite d'Olivier Dallaj. Il est difficile de cerner précisément la famille royale tant ont été nombreux les intermariages entre descendants du fondateur de la dynastie Mohammed ibn Saoud et les membres des tribus de péninsule arabique. La société arabe étant de type patriarcal, on ne peut compter comme faisant partie de la famille royale que les enfants dont le père est membre du clan. En y incluant toutes les branches collatérales, on estime à près de 20 000 les Saoudiens dont la filiation patrilinéaire remonte à Mohammed ibn Abdel Wahab. Mais le nombre des princes proprement dit est plus restreint. Il serait de l'ordre de 6 000 hommes du clan Al-Saoud, descendants de Faisal ibn Turki, le grand-père d'Ibn Saoud. Tous étant des Al-Saoud, les diverses branches de la famille portent le nom des épouses. Parmi les branches les plus importantes, il faut mentionner celle des Soudairi, du nom de Assa bint Soudairi, l'une des épouses d'Abdelaziz qui lui a donné 7 fils, dont l'actuel roi Fahd. Après la rencontre Roosevelt-Ibn Saoud en 1945, les rapports entre les deux pays n'ont pas toujours été excellents, même si l'Arabie Saoudite a toujours été présentée comme étant le meilleur allié arabe des États-Unis. Oui, à cause de la politique israélienne de Washington. C'est évident. Et de la trahison originelle dont je vous ai parlé. Mais les intérêts bien compris des uns et des autres l'ont toujours emporté. Ainsi, si les Saoudiens n'ont cessé de proclamer leur solidarité avec les Palestiniens, ils se sont bien gardés de participer militairement aux guerres de 1967 et 1973. Oui, mais en contrepartie, l'Arabie Saoudite finance quand même des mouvements palestiniens. Et l'autorité palestinienne, bon, c'est bien le moins pour un pays qui se veut le phare du monde musulman. Autre exemple plus troublant. Le premier choc pétrolier de 1973. À la suite de la guerre du Kippour. Oui, hein. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Bon, l'Arabie, pour punir les États-Unis coupables de soutenir Israël, ferme le robinet du pétrole. La conséquence est immédiate. Le prix de l'or noir flambe et la plupart des pays occidentaux sont aussi touchés. Et on accuse alors, hein, je me souviens, les émirs d'étrangler les économies de ces pays. Eh oui, en effet. Mais la réalité est bien différente. Il me semble me souvenir que je vous en ai parlé il y a assez longtemps. Assez longtemps, oui. Vous avez parlé de la responsabilité des grandes compagnies pétrolières dans le déclenchement du conflit, c'est oui, ça oui, hein, oui. Il est à peu près certain que les milieux pétroliers américains ont poussé le président égyptien qui avait besoin de redorer son blason à attaquer Israël. Une offensive étrange. Après avoir enregistré de premiers succès, les troupes égyptiennes se sont soudain arrêtées avant d'être repoussées par les Israéliens. Et c'était prévu, ça? Je le pense, oui. Les pétroliers avaient besoin d'une guerre limitée, une guerre qui aurait pour effet de faire monter le prix de l'or noir en flèche. C'est ce qui s'est passé. Oui, l'embargo a cessé très vite, à la demande du président Sadat, il faut le souligner. Et les compagnies pétrolières, les sept sœurs, comme on les appelait, ont ensuite fait des bénéfices considérables. Même les puits américains, qui n'étaient plus compétitifs, le sont devenus grâce à cette hausse miraculeuse du prix du baril. Ouais. Et les autorités saoudiennes étaient complices? Je le pense, oui. Car elles ont également trouvé leur avantage dans ce choc pétrolier. Oui, parce qu'elles ont vendu leur pétrole plus cher. Oui, un véritable pactole. Je ne vous donnerai qu'un seul chiffre. Les rentrées du pétrole saoudien, qui ne rapportaient $1 milliard en 1970, vont centupler en 1980. J'ajoute une information qui restait très longtemps secrète. L'Arabie Saoudite était sous surveillance. C'est-à-dire ? Bon, au cas où les dirigeants saoudiens auraient voulu prolonger exagérément l'embargo pétrolier, les Américains seraient intervenus militairement. En Arabie Saoudite. Hein. Parfaitement. Un plan d'invasion était au point et il prévoyait d'ailleurs le débarquement d'une force militaire qui se serait emparée des puits de pétrole. C'est sérieux ça? Absolument. Enfin, je veux parler là de l'existence de ce plan. Pour le reste, je ne pense pas que Washington l'aurait mis à exécution. Mais il suffisait de faire savoir discrètement aux Saoudiens que ce plan avait été étudié. Oui, c'est ça. La comédie est finie et maintenant... On essaie de les faire piller. Mais notez-le bien, cette affaire a des résonances très contemporaines. Il existe chez les néo-conservateurs américains des gens qui pensent qu'une intervention militaire états-unienne en Arabie Saoudite serait la bienvenue. Aujourd'hui. Enfin, nous allons en reparler. En attendant, je vous l'ai dit, à la suite du choc pétrolier, l'Arabie Saoudite regorge de dollars. Et puis des dollars qui vont directement alimenter la fortune de la famille royale. Ben forcément. C'est l'époque où les princes dépensent sans compter et laissent des fortunes dans les casinos. Il est loin le temps des chameaux. C'est désormais en Mercedes 600 que les membres de la famille saoud se déplacent. Cette richesse est d'autant plus évidente qu'au fil des ans, les Saoudiens ont peu à peu pris le contrôle direct de la principale compagnie pétrolière, l'Aramco. Alors, ils ont pris leur distance avec les Américains ? En apparence, oui. Ouais, pourquoi seulement en apparence, alors ? Parce que les liens avec les Américains demeurent étroits. L'encadrement de l'Aramco reste en grande partie états-unien. Et des industriels américains font partie du conseil d'administration. En outre, il faut tenir compte des liens commerciaux avec les grandes compagnies occidentales, essentiellement nord-américaines, à qui l'Aramco vend son pétrole. Donc même si les Saoudiens ne sont plus aussi dépendants des États-Unis, ils demeurent étroitement liés, c'est ça ? Incontestablement, puisque les Américains sont leurs premiers clients et qu'ils réinvestissent des centaines de millions de dollars et même des milliards dans l'économie américaine. Mais ça veut dire aussi, à contrario, que les États-Unis ont absolument besoin du pétrole saoudien. Alors, on peut parler d'interdépendance. Oui, d'autant que Riyad compte également sur Washington pour garantir sa sécurité. Toutefois, ces rapports étroits avec le diable américain ne sont pas sans conséquence. La révolte gronde chez les islamistes les plus fanatiques qui reprochent à la fois à la famille royale la corruption de ses mœurs et sa sujétion aux États-Unis. En 1979, des centaines d'hommes s'emparent des lieux saints de la Mecque. Une sorte de gigantesque prise d'otage. C'est ça, oui. Et les autorités saoudiennes, complètement désemparées, ne viendront à bout de cette rébellion qu'en faisant appel à la France. Et aux gendarmes du GIGN. Hein. Oui, l'affaire est bien connue, même si les détails sont demeurés secrets. Alors, il semble bien que les gendarmes ne se sont pas contentés de conseiller les forces saoudiennes. En tout cas, ça a été une sérieuse alerte pour le régime de Riyad. Il faut noter, vous savez bien que je ne crois pas au hasard, que cette année 1979 est capitale dans la naissance de la revendication islamiste. Expliquez là. C'est l'année où Khomeini, qui vient d'arriver au pouvoir, lance sa croisade anti-occidentale. Mais c'est aussi l'année où l'URSS envahit l'Afghanistan. Et puis la résistance des Moudjahidines recevra bientôt l'aide de militants musulmans venus du monde entier. Et c'est à cette occasion qu'un certain Ben Laden apparaîtra, oui. Puis il y a donc cette affaire de la Mecque noyée dans le sang qui laissera de nombreuses traces et alimentera plus tard le radicalisme islamique en Arabie Saoudite. Ben, quoi qu'il en soit, les dirigeants saoudiens ont compris la leçon et donnent des gages religieux. Ah, ils ne renoncent quand même pas aux commissions faramineuses sur les ventes de pétrole. Bien sûr que non, mais désormais, ils vont consacrer des sommes considérables à propager l'islam à travers le monde. Oui, l'islam wahhabite. Hein. Naturellement. C'est-à-dire l'islam le plus rigoriste et le plus anti-occidental. Il finance des mosquées, des écoles, forme des prédicateurs fondamentalistes et surtout, il crée une véritable nébuleuse d'institutions charitables qui servira aussi à procurer des fonds aux futurs terroristes islamistes. Une façon de se dédouaner et de faire oublier leur propre turpitude. Et de se racheter aussi. Dans cette mesure, l'Arabie Saoudite a donc une responsabilité directe dans la naissance de ce terrorisme. Assurément. De la même façon que l'Arabie Saoudite a très largement financé la résistance afghane et pourvu au recrutement des volontaires. Aux côtés de la CIA tout de même. Hein. C'est évident. Oui. C'est ainsi que les services secrets des deux pays vont contribuer à créer les structures de ce qui deviendra un peu plus tard Al-Qaïda. Un monstre qui va échapper à ses créateurs. Oh, c'est une façon de voir les choses. Pour les Américains, c'est certain. Ils n'ont jamais envisagé que ces islamistes qu'ils avaient aidés et puissamment armés pourraient un jour se retourner contre eux. Mais ils ont trop longtemps fermé les yeux. Le cas des Saoudiens est à mon avis différent. Ils ne pouvaient pas être tout à fait dupes. Ben Laden, il ne faut quand même pas l'oublier, appartient à l'une des plus grandes familles du pays. Une des plus riches surtout. Oui, une famille très proche des cercles du pouvoir et des milieux religieux. Les Ben Laden doivent une partie de leur immense fortune à l'aménagement des lieux saints. La politique de l'Arabie Saoudite est donc celle du grand écart. D'un côté, elle feint d'afficher une alliance indéfectible avec le grand allié américain, et de l'autre, elle soutient les pires ennemis des États-Unis, ceux qui veulent détruire le grand Satan. Et de ce point de vue, la première guerre du Golfe va se refermer comme un véritable piège pour les dirigeants saoudiens. Dans leur ouvrage paru en 2001 chez De Noël, Ben Laden, la vérité interdite, Jean-Charles Brizard et Guillaume Dasquier écrivent, je les cite, « Les 4000 princes qui dirigent le royaume financent au coup par coup les mouvements islamistes comme autrefois on achetait les indulgences. » Et plus loin, ils affirment « L'Arabie Saoudite joue un rôle clé dans la propagation d'un islam dur dans le monde, notamment par l'intermédiaire des pétrodollars utilisés habilement dans le cadre de projets d'islamisation. Parfaitement intégrée au système capitaliste, elle en utilise tous les rouages, tant et si bien que ses capitaux sont désormais devenus indispensables à la bonne marche de l'économie mondiale. Réserve énergétique de première importance, le royaume saoudien voit ses activités de prosélytisme protégées par la superpuissance du moment, les États-Unis. Il paraît donc peu probable qu'un frein soit apporté à court ou moyen terme à la propagation du fondamentalisme islamique sur lequel s'appuient des groupes d'une extrême violence comme le Hamas en Palestine, les talibans en Afghanistan ou le GIA en Algérie. Je ne m'appesantis pas, car j'ai déjà évoqué ce sujet il n'y a pas si longtemps, mais avant le déclenchement de la première guerre du Golfe, les Saoudiens n'ont guère eu le temps de choisir. Quand après l'invasion du Koweït, les Américains ont mis sous les yeux du roi Fahd des photographies aériennes montrant les blindés irakiens massés à sa frontière, le souverain a aussitôt pris peur. Peur que Saddam Hussein ne l'attaque, c'est ça? Oui, mais les dés étaient pipés, ses chars étaient enterrés. C'était une parenthèse, c'est pour vous, l'hélicoptère, là? Bah, peut-être, hein, on ne sait jamais. Donc, ces chars enterrés n'étaient pas en position offensive. Mais Saddam Hussein, qui venait déjà d'avaler le Koweït, n'avait certainement pas l'intention de s'en prendre à un morceau encore plus gros. Mais les Américains avaient réussi leur coup. Le roi Fahd ne pouvait plus refuser aux forces de la coalition de prendre pied en Arabie Saoudite. Et puis, si vous voulez mon avis, c'était là un des objectifs prioritaires des États-Unis. Ils voulaient pouvoir disposer dans la région d'une solide base militaire. Afin de protéger leurs approvisionnements pétroliers. Oui, ça, je le crois, oui. Ouais. Enfin, cette implantation qui subsistera après la guerre contre l'Irak suscitera bien des problèmes. Les fondamentalistes musulmans considèrent en effet que la terre de l'Arabie Saoudite tout entière est sacrée. Donc la présence de militaires occidentaux était une profanation? Une véritable hérésie que dénonceront avec véhémence Ben Laden et ses disciples. Et puis si j'ose dire, c'est pain béni pour tous ceux qui contestent les Saouds. En 1995, un premier attentat frappe des soldats américains. Le pouvoir riposte en faisant arrêter et exécuter les islamistes. En représailles, un nouvel attentat à la voiture piégée provoque la mort d'une vingtaine de militaires états-uniens. Et à cette occasion apparaissent les premières failles entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Des failles, c'est-à-dire? Manifestement, le gouvernement de Riyad ne semble guère pressé de faire la lumière sur les commanditaires de cet attentat. Mmh. Pourquoi alors? Parce qu'une enquête sérieuse telle qu'elle est réclamée par Washington risquerait de faire apparaître la collusion entre les terroristes et certains puissants personnages du royaume. Appartenant à la famille royale? Bien sûr. Des gens qui n'ont jamais coupé les ponts avec Ben Laden. Mieux, il semble bien qu'un accord ait été passé entre les services secrets saoudiens et le chef d'Al-Qaïda. Un accord, mais attendez, quel genre d'accord? Contre la promesse de Ben Laden de ne plus intervenir sur le territoire de l'Arabie Saoudite, il lui aurait été accordé d'importants financements, de l'argent qui lui a permis de participer à l'équipement militaire de ses amis talibans. Il faut le dire tout de suite, la duplicité n'est pas seulement saoudienne. Ah! Qu'est-ce que ça signifie? Alors même que de nombreux experts et les services secrets soupçonnent l'Arabie Saoudite d'être complice des terroristes islamistes qui s'en prennent aux intérêts américains en Afrique, mais aussi aux États-Unis, où ils frappent une première fois le World Trade Center, des hommes d'affaires états-uniens filent le parfait amour avec les dirigeants saoudiens. Je veux parler en particulier du puissant et mystérieux groupe Carlyle. Ce groupe qui regroupe la fine fleur des ex-dirigeants occidentaux. Dont le père du président Bush. Ah, mais ça n'a rien d'étonnant, car le clan Bush a toujours entretenu des liens avec les banques saoudiennes et la famille Ben Laden. C'est un banquier arabe, Khalid Ben Mahfouz, le beau-frère d'Oussama Ben Laden, qui a volé au secours de l'actuel président alors que ses affaires pétrolières étaient menacées de faillite. Mmh. Enfin, pour faire vite, ajoutant par exemple que c'est une filiale du groupe Carlyle, Vinel, qui est chargé de l'entraînement de la garde nationale saoudienne. Donc le groupe là, est très présent en Arabie Saoudite. Et entretient d'excellentes relations d'affaires avec la famille royale. Mm-hmm. Quelques semaines avant le 11 septembre, on verra par exemple George Bush Senior effectuer une visite en Arabie Saoudite où il rencontrera ses partenaires financiers, mais aussi le roi Fahd, et sans doute l'homme qui exerce aujourd'hui la réalité du pouvoir, le prince héritier Abdallah. Mm. Alors justement, le 11 septembre, j'imagine que les attentats contre les tours du World Trade Center on va voir des conséquences sur les rapports entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. C'est évident. Et quand, outre-Atlantique, on apprend que la plupart des terroristes étaient des citoyens saoudiens, c'est un véritable coup de tonnerre. Au moins dans l'opinion publique, qui considérait l'Arabie Saoudite comme un pays traditionnellement ami. Or, non seulement Riyad ne collabore pas, ou très peu, avec les enquêteurs américains, mais il apparaît que de nombreux Saoudiens se réjouissent. Ah ouais, et ils applaudissent Ben Laden. Oui, hein. Et ici, il ne faut pas sous-estimer les effets de l'intifada. Tous les jours, sur leur poste de télévision, les Saoudiens voient l'armée israélienne intervenir dans les territoires occupés, détruire des maisons ou tirer sur des civils. ça a des effets dévastateurs pour les États-Unis qui soutiennent inconditionnellement le gouvernement d'Ariel Sharon. La colère atteint même les cercles du pouvoir. Le pouvoir en Arabie Saoudite, c'est-à-dire la colère contre les Américains. Oui, et en 2002, Abdallah propose un plan de paix pour le Proche-Orient et la résolution du conflit israélo-palestinien. Une initiative importante et courageuse qui vient du dirigeant du pays arabe le plus prestigieux. Or, George Bush ignore avec superbe ce plan de paix. Et le prince arabe, alors, se sent humilié. Il ne pouvait pas en être autrement. Et les rapports entre les deux pays continuent de s'aigrir. En août 2002, il se produit deux événements étranges, à commencer par la mise en cause d'une princesse saoudienne vivant aux États-Unis. La propre femme de l'ambassadeur, qui est accusée d'avoir remis de l'argent aux terroristes du World Trade Center sous couvert d'aide sociale. Et la vérité ? Écoute, franchement, je n'en sais rien. Mais je vous ai dit qu'en Arabie Saoudite, on confondait souvent charité et financement du terrorisme. On assiste ensuite à une curieuse fuite aux États-Unis. Une fuite, quoi ? Une fuite accidentelle ? Certainement pas, elle est volontaire. Alors, racontez-moi ça. Le Defense Policy Board est un organisme de réflexion rattaché au Pentagone et présidé par un faucon, Richard Perle. D'après un rapport de ce think tank conservateur, l'Arabie Saoudite est accusée de nourrir le terrorisme et même de jouer un rôle actif à tous les échelons du terrorisme, de l'idéologue au poseur de blâme. Ouais, une accusation excessivement grave. Oui, en effet. Et ce rapport va encore plus loin. Il préconise un gel des avoirs saoudiens aux États-Unis et même une action militaire visant à provoquer une scission du royaume en séparant la province orientale du reste du pays. La province orientale où se trouvent les gisements pétroliers. Oui, j'imagine que ça ne vous étonne pas. Non, pas beaucoup. Non. Mais l'Arabie Saoudite est donc présentée par cet organisme-là comme un État voyou, hein, pour reprendre la terminologie américaine. C'est exact. Évidemment, la Maison-Blanche a nié que ce rapport exprimait la doctrine officielle des États-Unis. Il n'empêche que l'avertissement était clair. Mais attendez, que cherchaient les Américains ? Deux choses. D'abord, c'est évident, ils désiraient que les Saoudiens entreprennent enfin un combat sérieux contre le terrorisme. Ouais, qu'ils fassent le ménage chez eux. C'est ça, oui. Ouais. Et aussi, qu'ils cessent de financer toutes ces institutions charitables qui servaient de faux-nez au terrorisme. Et deuxièmement, ce qu'ils voulaient aussi, c'est que les Saoudiens s'engagent à leur côté dans la prochaine guerre contre l'Irak. Ouais, car les Américains y pensaient déjà. Ouais, évidemment, bien sûr. Mais, étant donné ce que vous me disiez de l'anti-américanisme de l'opinion saoudienne, le gouvernement de Riyad pouvait-il accepter ? À l'évidence, non. Officiellement, en tout cas. Et quand Washington s'est fait pressant, il a été opposé à un non catégorique aux demandes américaines. Et les Saoudiens ont refusé que, lors de la deuxième guerre du Golfe, des actions militaires soient conduites depuis leur territoire. Oui, je me souviens, les Américains se sont repliés au Qatar voisin. C'est juste, oui. Pourtant, officieusement, il en a été autrement. Toutes les opérations aériennes ont été coordonnées dans le plus grand secret depuis la base américaine de Prince Sultan, située en Arabie Saoudite. Et les Saoudiens ont même accepté que les missiles de croisière tirés depuis la mer Rouge survolent leur territoire. Ouais. Ça veut dire que la menace américaine a donc été prise au sérieux. Incontestablement, elle subsiste. Elle subsiste, ça veut dire Les Américains n'ont pas renoncé à faire pression sur la famille royale saoudienne. Le grand dessein de George Bush, c'est, vous le savez, de transformer le Moyen-Orient et d'y promouvoir la démocratie. En fait, c'est mon avis. Il s'agit surtout d'installer des régimes favorables aux États-Unis et qui garantiront les approvisionnements pétroliers vers l'Amérique du Nord. Écoutez, si l'on en juge par ce qui se passe en Irak, Bush n'est pas prêt d'aboutir. Oui, vous avez raison. En tout cas, le président américain pense, non sans raison en lui, que l'existence même de ces monarchies absolutistes alimente le terrorisme. Par conséquent, il exige de l'Arabie Saoudite qu'elle procède enfin à des réformes démocratiques. C'est possible, ça ? Peut-être, mais difficile. Le pays est malade. La deuxième guerre du Golfe y a provoqué une recrudescence du terrorisme anti-occidental. D'autre part, le temps de la richesse est bien terminé. Le pays s'est appauvri et de nombreux Saoudiens sont désormais chômeurs, tandis que les princes continuent à s'enrichir. Enfin, et surtout, il y a le poids de la religion. Pour ces fondamentalistes qui font la loi en Arabie Saoudite, rien ne doit changer. Ouais. Rien, donc pas question d'accepter des réformes. Et l'Arabie Saoudite peut maintenant basculer dans la violence à tout moment. Ce régime féodal dont les États-Unis se sont si longtemps accommodés est en réel danger. De nombreux ouvrages ont été consacrés récemment à l'Arabie Saoudite et au terrorisme islamiste. Citons « L'Arabie Saoudite en question » d'Antoine Vazbous, « La guerre des Bouches » d'Éric Laurent ou encore « Arabie Saoudite, la menace » de Stéphane Marchand. Un dernier mot. En mai 2003, un attentat très meurtrier a frappé un complexe résidentiel de Riyad abritant des citoyens américains. On a compté 90 morts étaient visés. la société Vinel, cette ancienne filiale du groupe Carlyle, dont a parlé M. X, une firme très proche de la CIA et chargée, selon certaines sources, d'infiltrer l'armée saoudienne.